Chaque note s'imprime en nous. Rider skill s'élève dans mes veines. Savoir rock fend les chaînes. Nos murmures vibrent dans les terres. Chaque désir éclate en lumière. Nos voix frappent, nos corps s'élèvent. Chaque battement. Chaque frisson m'appelle plus fort. Ride a skill brûle dans mes veines. Un chant charnel. Une douce chair. Ah, ah, ah, ah, ah. Ride a skill. Ride a skill. Ride a skill. Ride a skill. Ride a skill.